Marguena sur le bitume, bout de lune des journaux. Au mois d'août son infortune brille sous les lunes des badauds. L'eau de son vin n'est pas très propre, l'odeur supporte son papa. Du mauvais côté de la porte, le sang l'emporte jusqu'en bas. Des marches crèvent, boîte à air. Des marches rêvent. Targuena, quand on le voit allongé là sur ses cartons, serré en quatre dans de beaux draps, comme un anchois dans des glaçons. L'hiver emporte sous sa grolle quelques bons hommes trop à l'étroit. Ce n'est pas pour ça qu'il frissonne si les cloportes restent en bas. Des marches crèvent, boîte à air. Des marches rêvent. Targuena croise des yeux, bien malheureux toute la journée. Lui et son chien rigolent un peu de voir les vieux se disputer. Les joies que la vie lui apporte, il les transporte dans ses souliers. Les kilomètres, peu importe, si le rendez-vous l'a ses pieds. Des marches crèvent, boîte à air. Des marches rêvent, boîte à peine. Des marches crèvent, boîte à air. Des marches rêvent, moi ta peine. Antalguena sur le bitume, mort sous la lune des badauds. Ne crèvera que d'amertume, mais sur la lune, il aura chaud.